Ok, j'aimerais dédicacer ce morceau à un jeune homme qui s'appelle Tintin. Et quand on l'a joué en 86 à Toulouse, pendant ce morceau-là, il nous a fait une magnifique chorégraphie. Aussi dédicacé à Alain Picon, qui a fait la même chose sur ce morceau, mais World Break Hotel à 7, c'était pas mal non plus. Alors s'ils savent encore le faire, qu'ils le fassent, sinon faites-le à leur place. Vas-y, Rico. Soldats perdus, une croix sur le front comme seule décoration. Ils n'ont rien prévu pour leur promotion, même pas de se servir la révolution. Tous mes camarades sont des soldats perdus, pensent qu'à la musique et aux filles presque nues. On les accuse d'avoir les idées reçues, peu importe leurs idées, puisqu'il y a l'amitié. Ouais. Oh oh oh oh oh oh, plus fort. Plus fort! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ils marchent dans la rue comme des soldats perdus. C'est vrai qu'ils ont bu, qu'ils cassent les rétroviseurs. Car tout ce qu'ils y voient, c'est la réalité. C'est qu'un sort est jeté sur leur génération. Ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Ils n'ont pas envie de pleurer leur mère. Ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Ils n'ont pas envie de faire pleurer leur mère. Des soldats perdus, ils marchent dans la rue comme des soldats perdus, ils marchent dans la rue comme des soldats perdus, perdus, perdus.